Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Classer les choses, penser les hommes. Une série de Laetitia Druard, réalisée par Doria Zénine. Au départ de cette série, il y a les boîtes où l'on range nos lettres, les vieux papiers dans le grenier, les photos dans la vieille boîte à gâteaux et ces vieux agendas de nos grands-parents ou cette vieille liste de courses que l'on n'a jamais relue mais jamais jetée non plus. Il y a aussi ces tiroirs de bois bien vernis et ces petites fiches cartonnées dont l'encre a pâli et qui sont encore les signes particuliers de certaines bibliothèques. Et puis il y a ces herbiers avortés, ces vieilles collections de coquillages ou cette inquiétude de ne jamais pouvoir retenir le nom de tous les arbres. Mais ce qu'il y a aussi, c'est l'idée de la preuve, parce que s'il y a une archive, c'est que c'est vrai, ou en tout cas que quelque chose s'est passé. Alors pour commencer, les personnages. Un historien des archives qui n'a pas oublié qu'il est médiéviste, des archivistes qui font le tri, des magasiniers qui rangent, des conservateurs, des chercheurs qui ouvrent des boîtes, d'autres qui lisent des microfilms et des arpenteurs du net. Ensuite, le décor, la ville de Saint-Denis, un grand bâtiment presque aveugle, des couloirs, des rayonnages, des pièces climatisées, le ronflement des moteurs, des chuchotements, des disques durs géants, des gants blancs et des crayons à mine de plomb. Aujourd'hui, premier épisode, on arrive au cœur de la machine. Là, on va sur des fonds qui, justement, sont tous un peu identiques. C'est sur le gouvernement central de l'État. On va se rendre dans un magasin où vous avez justement les premières archives de l'Assemblée constituante. Et donc les premières lois, les premiers décrets signés par le roi Louis XVI et préparés par l'Assemblée constituante, un peu contre son gré, elles sont conservées dans leur conditionnement d'origine. Donc là, vous avez devant vous, en fait, toutes les lois de la République. Et ce que nous allons voir, ce sont les premiers coffres des lois, fabriqués spécialement pour les archives de l'Assemblée constituante. Donc, ce sont des coffres en bois. Donc, les lois du XVIIe, du XVIIIe siècle étaient sur parchemin, scellés par le roi, et les premières décisions de l'Assemblée constituante ont été scellées et validées selon le même principe. Donc voilà, le parchemin, on le reconnaît même au bruit, on le reconnaît à sa couleur et à sa texture, et aussi au bruit. C'est quand même plus d'épaisseur que le papier. Le sceau est en cire brune, et c'est ce qui valide le document, le sceau. C'est plus fort même que la signature. On savait signer, mais le sceau donne plus de puissance, et une image aussi à l'autorité, ce qu'elle est représentée sur le sceau. Donc finalement c'est un magasin qui est une sorte de condensé de l'histoire de France et des archives nationales. Histoire de l'archive, un rempart contre l'oubli. Épisode 1, la vie mise en carton. Il existe des formes d'accumulation et de transmission d'objets qui ont valeur d'archive ou de mémoire avant l'écriture ou dans des sociétés non écrites. Je prends un seul exemple que j'emprunte à Lévi-Strauss, qui lui-même l'empruntait à Durkheim. Lévi-Strauss, dans le dernier chapitre de son livre « La pensée sauvage », publié en 1962, compare justement la transmission des archives notariales, en l'occurrence, qui sont effectivement un des grands continuum, disons, de la transmission des papiers comme archives depuis l'Antiquité, à la transmission de ces objets sacrés qu'on appelle les churingas en Australie, les assimiler en gros à des pierres sacrées avec des motifs gravés. Et donc de ce point de vue-là, on peut aller jusqu'à dire, par le comparatisme ethnographique, que certains objets peuvent être assimilés à la fonction archive. Donc, il faut aussi, de ce point de vue-là, déconnecter archive et écriture. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne peut pas les déconnecter dans nos sociétés écrites. Et donc, il y a un lien essentiel entre archive et naissance de l'écriture ou usage politique de l'écriture. Et en même temps, la fonction archive peut s'articuler sur presque n'importe quelle représentation ou objet matériel. Et de ce point de vue-là, même si c'est un peu métaphorique, remontons encore le temps, on peut dire que, vraisemblablement, une partie de l'art pariétal, par exemple, avait une fonction de mémoriel qui peut être assimilée, sinon à des archives, du moins à des formes d'initiation, de transmission. Donc oui, il y a des archives depuis toujours. Je m'appelle Yann Potin. Je travaille aux Archives nationales où je suis chargé des fonds d'archives des Archives nationales, c'est-à-dire les archives produites par les Archives nationales. Donc je suis en quelque sorte archiviste, mais je suis historien de formation. Et d'ailleurs, la question du rapport entre ces deux continents de la mémoire écrite fait partie justement de l'objet de mes recherches. Comment les archives sont devenues importantes dans les sociétés? Bah ça, c'est très récent pour le coup. Enfin, c'est à la fois récent et ancien, c'est-à-dire que pendant longtemps, une des façons de rendre importantes les archives, c'était vraiment de les sacraliser, au sens propre du terme, c'est-à-dire de les associer vraiment aux objets sacrés, puisqu'après tout, les reliques sont les archives des saints, en fait. Hein. Donc, pendant longtemps, les sociétés se sont contentées, mais ce qui ne voulait pas du tout dire que ça ne les intéressait pas ou qu'elles les dévalorisaient, de maximaliser la protection des archives, en l'associant aux choses les plus précieuses. Donc, on va dire que l'idée que une société moderne, et alors a fortiori dans un système de valeurs démocratiques, doivent s'accompagner d'un certain nombre de garanties collectives qui passent notamment par les archives, cette idée-là est très récente et elle date du XVIIIe siècle, et pour ainsi dire même du XIXe siècle. C'est-à-dire que pour la France et par voie de conséquence pour beaucoup de pays d'Europe, elle est liée à la Révolution française, cette idée que une nouvelle souveraineté, une nouvelle configuration de l'identité collective et d'un destin commun et d'un bien commun s'accompagne d'une institution spécifique, et en l'occurrence d'ailleurs, voilà, les archives nationales dans lesquelles nous sommes aujourd'hui sont les héritières de ce mouvement, puisqu'elles ont été créées précisément à l'été 1789. Pour conserver les plus anciens procès-verbaux de ce qui n'était pas encore d'ailleurs l'Assemblée constituante. Guylain Brunel. Moi, je suis conservateur d'archives et directeur du public aux Archives nationales. On se trouve à côté du bâtiment de Pierrefitte-sur-Seine, donc un bâtiment qui a été ouvert au public au début de l'année 2013, donc un bâtiment tout récent, et qui a son pendant à Paris avec un bâtiment très ancien. Donc on a les deux extrêmes. Donc en créant ce nouveau coffre-fort d'archives, on pouvait rassembler toutes les archives postérieures à la Révolution en un même lieu. Donc ici, vous trouvez toutes les archives publiques postérieures à 1789. Alors qu'à Paris, vous trouverez toutes les archives publiques de l'administration centrale de l'État antérieure à la Révolution française. Le partage s'est fait comme ça, avec cette coupure qui reste très vivace de la Révolution française. Donc là, on fait tout le tour du bâtiment. Ça fait un peu îlot au milieu de la cité. Hein. C'est une cité parmi la cité. C'est un immeuble de grande hauteur, donc on est presque à 40 mètres. Donc voilà, on a sur ces satellites surpilotis tous les services avec les humains. Et puis à l'arrière, le coffre-fort aveugle, avec 350 km d'archives engrangées, stockées magasin par magasin, et qui en font le plus grand centre d'archives d'Europe, avec 350 km, et qui va être appelé encore à se développer. Voilà, c'est donc les papiers de l'État, ça représente presque la distance entre Paris et Lyon. C'est donc énorme, une fois amassé. Le problème de la place est permanent, puisque les archives conserve, nous, elles sont déjà traitées, triées, épurées. C'est donc les archives historiques destinées à être conservées définitivement. Voilà, il n'y a plus de suppression, il n'y a plus d'élimination quand elles arrivent ici. Donc elles sont destinées à faire l'histoire, à faire de l'art, à faire plein de choses, mais on n'y touche plus en termes de volume. En ce moment, les Archives nationales collectent 5,5 km d'archives tous les ans des administrations centrales de l'État. Donc c'est quand même énorme. Donc vous avez des archivistes qu'on appelle en mission auprès de chaque ministre, auprès du président de la République, auprès du Premier ministre, auprès aussi des opérateurs publics, très important, pour veiller à ce que les bonnes archives arrivent un jour aux Archives nationales. Avec des listes précises hein, de documents qui doivent être gardés, combien de temps, enfin, comme pour nous-mêmes, ce qu'on doit garder, nos chéquiers, nos déclarations d'impôts, nos documents justificatifs. C'est exactement la même chose à puissance 100 pour l'administration centrale de l'État. C'est finalement une émanation du peuple, l'Assemblée constituante qui s'organise, qui veut essayer de bien conserver ses archives, donc très structurée, qui commence à conserver bien les lois qui sortent de sa production législative. Et donc on crée un cadre alphabétique et la première lettre A bah, servira à conserver les lois. Et ainsi de suite, on va créer comme ça un cadre de classement en fonction des besoins de l'Assemblée constituante. L'ère du classement qui s'est systématisée au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, pour les archives comme pour le reste. Yann Potin. C'est lié évidemment à l'inventaire du monde. Voilà, et là, de ce point de vue-là, les archives sont exactement dans la même temporalité que les collections d'objets d'art ou de naturalistes. Et d'ailleurs, le premier cadre de classement des archives nationales, en 1811, enfin, il y en a eu avant, mais enfin, je retiens celui-là, parce que il a été forgé par un savant des Lumières, Pierre-François Daunou, mais surtout parce que il a continué à servir jusqu'aux années 1970, donc il a servi plus de 150 ans. Ce cadre de classement a été fait dans l'idée que les archives étaient plutôt un sanctuaire de documents indispensables, et que, en gros, les archives étaient plus assimilées à une sorte de bibliothèque authentique de l'État, avec les grands titres, les grands... Et donc, on n'imaginait absolument pas qu'on allait devoir collecter les archives des ministères, et notamment des ministres et autres. Pourquoi d'ailleurs, entre parenthèses, on ne l'imaginait pas? Parce que précisément, une grande partie de la Révolution française s'était faite sur la conjuration de l'ancien régime administratif, assimilé ou associé à l'absolutisme, qui était cette idée que l'État, transgressif sur la société, gouverné par le papier, et donc... avait mis en gros des masses de papier entre lui et la société civile pour pouvoir justement la contrôler, lui imposer des papiers d'identité, des normes, des preuves, etc. La Révolution française, fondée sur vraiment un culte de la loi, a pensé que les lois elles-mêmes suffiraient à rendre non seulement les hommes meilleurs, bon ça d'accord, meilleurs, mais qu'elles auraient leur propre vertu. Et que donc, elle s'appliquerait, une fois connue, elle s'appliquerait d'elle-même. Donc il fallait garantir la loi, son processus, sa chaîne d'application. Mais au moment où on crée ce cadre de classement, on ne pense pas du tout que, par exemple, tous les ministères vont produire des arrêtés, des règlements, et que en fait, l'ensemble du droit administratif, ça composait tous ces arrêtés qui seront tous préparés dans différents bureaux, et que donc, il va falloir aller chercher partout, là où on pensait qu'il suffisait de brancher un robinet sur l'organe central du gouvernement, et que ça suffirait, si j'ose dire, pour avoir l'essentiel des documents qui fondent bah justement l'État, la légalité. Donc ce cadre de classement s'est vraiment fait comme une sorte de distribution idéale des titres de l'État, mais par grands domaines. Donc ce cadre de classement, si j'ose dire, a survécu 150 ans parce qu'il donnait une image idéale de l'État. Et peu à peu, l'institution des archives en France s'est convertie à la certification de la provenance plutôt qu'à la pertinence des documents qu'il faut conserver. Au feu de Renaissance, plus de chansons, plus de grimoire, plus d'or. Alors, toutes nos portes sont automatiques parce qu'on est censé passer avec des chariots, avec des archives. Donc, elles s'ouvrent majestueusement de manière automatique. Alors les magasins d'archives, c'est les 300 kilomètres de magasins. On parle de dépôt aussi d'archives, hein. Mais le dépôt d'archives c'était plus la globalité. Le magasin, voilà, c'est vraiment là où on range les choses. Donc c'est le vieux terme employé par les archivistes, les magasins d'archives. On sait, nous tous, que c'est là où on range les choses. C'est un peu ça, le magasin, c'est là où on entrepose, c'est là où il y a des rayons. On parle de rayonnage, nous aussi, donc on est exactement dans la problématique du magasin. Vous voyez, il y a 10 étages. Mais vous savez exactement quel fond est enfermé dans tel type de magasin ? C'est impossible vu les 310 km, mais on sait à peu près ce qu'il y a par étage. Le premier qui a donné vraiment un site aux archives nationales, c'est l'empereur Napoléon Ier, qui a installé les archives nationales en 1808, au cœur de Paris, dans le Marais, à l'hôtel de Soubise, et qui leur a donné donc une place centrale à l'intérieur de la capitale, et en même temps, une place unique pour que tout soit rassemblé dans cet espace. Donc il est le second fondateur des archives nationales, après l'Assemblée constituante elle-même. L'idée, c'est de montrer par ses archives la puissance de l'État. Napoléon Ier était un gros producteur d'archives. C'est immense, les archives de l'Empire napoléonien. Et lui avait l'idée de rassembler, d'en faire un lieu très important, parce que c'était l'histoire politique de la France en train de se faire. Il était aussi très attaché à l'héritage révolutionnaire, hein, malgré tout. Et en parallèle, il avait aussi l'idée de rassembler les archives de l'Europe à Paris. Et on avait commencé à faire venir des archives d'autres pays en France. Pour connaître un peu mieux le cas, on avait fait venir des archives pontificales, par exemple, qu'on a rendues après coup, quoi, mais qui avaient transité depuis le Vatican jusqu'en France. Donc il y avait chez lui une volonté centralisatrice très forte. Et les archives en étaient l'émanation de ce pouvoir central. C'est vraiment une question politique primordiale pour Napoléon Ier. Une des effigies de la prise de souveraineté et de l'indépendance d'un pays, c'est qu'il se crée un service d'archives nationales, quitte à ce qu'il n'y ait rien dedans. Mais ça fait, parce qu'il n'a rien à y mettre, non pas parce qu'il n'y a rien, mais parce que, par exemple, l'ancien colonisateur garde une grande partie des archives. Les archives font partie de la panoplie des prises de guerre. Voilà. Pour deux raisons, soit très techniques, dessiner les frontières, ou les redessiner, soit pour des raisons symboliques, c'est-à-dire s'approprier l'autre, et là, de ce point de vue-là, les archives ont le même statut, ou presque, ou approchant, que les objets d'art, que les n'importe quel... ce sont des butins qu'on prend sur l'autre et qui prouvent qu'on a gagné et qu'on a soumis. Voilà. Donc ce sont des éléments d'un tribut de domination. Aujourd'hui, on ne conçoit pas, sinon une société, puisque par définition un État ce n'est pas une société, mais disons un État souverain sans archives. Chaque magasin est découpé en épi, pour parler le terme archivistique. Et ensuite, on a donc des rayonnages qui sont numérotés. Et ensuite, on a les articles d'archives, c'est-à-dire les cartons ou les registres qui sont individualisés par une cote. C'est notre unique repère pour retrouver un document au milieu des millions qu'on a. Donc cette cote, elle est très importante et il ne faut jamais oublier de la noter sur ces cartons. Ne pas transférer les archives dans un autre carton. Alors dans cette travée, ils sont conservés les discours du général de Gaulle, et qui présente cet intérêt de nous livrer les différentes étapes du discours. Donc on a le discours manuscrit, le premier jet. Alors, pour certains, on a vraiment toutes les étapes, et c'est intéressant. On a une allocution prononcée à la radio le 30 mai 68, par le général de Gaulle. Donc là, on est au cœur de la crise. Hein. Française, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine. On a le premier manuscrit, c'est quand même une toute petite écriture. On a une première mise au net, sans exception, avec déjà des gros changements. Qui permettrait de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Au départ, c'est « je ne changerai pas le gouvernement, il est capable, cohérent, dévoué à l'intérêt public, il comporte un Premier ministre dont la valeur ». Et puis dans un souci de conciliant, on simplifie « je ne changerai pas le Premier ministre ». Pas le gouvernement, mais « je ne changerai pas le Premier ministre ». Je ne changerai pas le Premier ministre. Et puis là, très important, il dit « je ne dissoudrai pas en ce moment le Parlement qui n'a pas voté la censure ». Mais la version définitive, c'est « je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale ». Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale, j'ai proposé au pays un référendum qui donnait aux citoyens l'occasion de prescrire une réforme profonde. Entre-temps, on a changé vraiment d'objectif. Et on va dissoudre l'Assemblée nationale et ensuite récupérer une Assemblée très gaulliste. Donc c'est fondamental de voir que la réflexion a évolué dans la journée sur cette question politique est majeure. Donc là, on a ouvert un cahier avec des grandes feuilles blanches sur lesquelles ont été collées et réunies par les archivistes les discours du... Oui, ils ont bénéficié d'un traitement de sécurisation du papier. Donc à la fois les feuilles manuscrites et puis les feuilles dactylographiées sont bien comme ça, bien conservées, à l'abri de la lumière. On faisait aussi à l'époque un papier de qualité pour les allocutions, la version dactylographiée, c'est un beau papier également. Vous voyez, ils n'ont pas souffert avec le temps. Donc nous, on les a protégés pour les conserver dans leur bon état. Et même l'écriture manuscrite du général de Gaulle, voilà, l'encre de bonne qualité encore sans doute. À l'époque, elle n'a pas évolué, puis ça n'a jamais été mis à la lumière. On voit bien qu'on s'amoindrit avec le temps, avec l'ordinateur. On amoindrit les différentes étapes, on a moins de traces de ces différentes étapes. Il reste que sur des grands discours avec les hommes politiques, les grands hommes d'État, il y a quand même cette volonté de montrer leur travail réflexif. Et donc il restera encore quelques traces. Et après, la différence par rapport à l'époque du général de Gaulle, c'est qu'aujourd'hui on conserve plus encore d'archives d'hommes politiques qu'à cette époque-là. Donc, on a peut-être des petites traces pour chacun, mais beaucoup plus de traces de tous ces hommes politiques. Je suis sûr que les archives de M. Mélenchon, M. Valls, elles seront conservées, et que donc, voilà, tous les acteurs de la vie politique auront des archives bien conservées, alors que pour la 4e République, on n'a pas tant d'archives que ça, des grands acteurs, des assemblées. Donc, par ce biais-là, voilà, on aura peut-être plus de traces différentes, d'acteurs différents, mais on aura beaucoup d'archives quand même. Les discours du général de Gaulle, quelle est leur série à l'intérieur ? C'est la série AG5-1, premier président de la 5e République. Est-ce que vous pouvez me parler de ces grandes séries, ou de ces séries connues en tout cas par les archivistes ? Oui, voilà, c'est les grandes séries majeures parce qu'elles conduisent, elles vont jusqu'au cœur du XXe siècle, généralement, puisqu'on a adopté la nouvelle cotation que tardivement dans le XXe, dans le dernier tiers du XXe siècle. Donc voilà, la série F7, elle est mythique pour tous les chercheurs qui travaillent, je sais pas, sur les anarchistes en France ou les syndicalistes ou la sûreté de l'État. C'est à l'intérieur de cette série qu'on va retrouver trace de tous ces événements. Et comme la lettre F a été utilisée pour les ministères, on l'a subdivisée, donc de F1 à F90. F90, c'est les postes, donc les archives anciennes des postes sont cotées en F90. Alors, le système de classification alphanumérique qui a été fondé au début du 19e s'est arrêté à la fin, dans le dernier tiers du 20e siècle. Donc après, les codes se font en continu. Donc on va de F7-1 jusqu'à F7 40 000, s'il y a 40 000 cartons. C'est en fonction des différents versements, on prenait les codes à la suite les unes des autres. Pour les codes contemporaines, c'est les versements qui sont faits par les administrations année après année. Donc s'ils ont fait 4 ou 5 versements différents, on va avoir 5 codes différentes pour la même administration. 1994-0151, 1994-0203, la série AG, qui sont les papiers des présidents de la République successifs. On pourrait en citer la série C, la série des assemblées, des archives de l'Assemblée nationale, donc depuis la Révolution 1789, jusqu'à aujourd'hui, carrément. On a cette grande série immense des papiers du travail des députés et des sénateurs. Tout le monde sait que la série E aux archives nationales, c'est le Conseil du Roi qui remonte à l'époque d'Henri IV. On a toutes les archives d'Henri IV à la fin du règne de Louis XVI sur le travail du Conseil du Roi dans toutes ses composantes judiciaires, militaires, diplomatiques, financières. Donc ça permet d'identifier tout de suite. Mais on est devant des masses moins importantes aussi. Donc, Quelle est la dernière lettre utilisée ? ZZ. ZZ, Z et ZZ. Je m'appelle Karine Triolaire, je suis adjointe technique aux Archives nationales et donc on s'occupe de transmettre, de nettoyer, remettre dans de bonnes conditions les archives. Voilà, pour la communication. On va sortir du coffre-fort pour aller vers les bureaux. C'est vrai qu'aussi un archiviste marche beaucoup. Il porte beaucoup, il marche beaucoup. Bonjour, Rosine Salmon. Oui. Entrez, bonjour madame. Vous avez un très beau bureau. Oui, avec une belle vue, je trouve. Un peu une photographie de Pardon. Mais j'aime bien, en fait. Et on a des chats et des poules qui se baladent en bas. Voilà, donc ça humanise l'ensemble. Juste les chiens qui surveillent. Alors, en fait, je suis responsable du pôle archives parlementaires. Je travaille sur les archives parlementaires et consultatives. Ce qui m'intéresse, c'est ce que produisent les autres. Je passe pas une journée sans aller en magasin. J'aime cette atmosphère et j'aime, une fois que je suis dans les magasins, j'aime ouvrir les cartons. Et comme vous pouvez le constater également, j'ai des chariots qui permettent de faciliter ces allées et venues. Ce que j'aime, c'est à la fois ce travail de classement qui permet à la fois d'organiser les dossiers, de leur donner un sens en les classant. Et ce qui permet ensuite à des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui vont venir en salle de lecture et qui, pour des raisons qui peuvent être très différentes, vont les utiliser. Pour moi, classer, ça veut dire reclasser. Voilà. Il y a toujours un classement antérieur qu'on n'a pas vu, soit qu'on fait mine de pas voir, soit qu'on veut pas voir volontairement. En tout cas, en matière d'archives, il y a toujours un classement antérieur. Enfin, il y a toujours une organisation antérieure et qu'une grande partie du jeu consiste à la réécrire, cette organisation antérieure, la recomposer en y enlevant des choses. C'est-à-dire qu'une des façons de classer, c'est précisément d'éliminer. Nous partons de documents qui existent déjà, qui ont été constitués dans le cadre du travail d'agents qui peuvent être dans l'administration, qui peuvent aussi avoir effectivement gardé des archives familiales. Et il ne faut pas dénaturer ce fonds tel qu'il a été constitué. Il faut l'éclairer, l'expliquer, mais il faut surtout pas le démanteler. Il faut pas le mélanger avec d'autres archives qui, là, lui donnerait un aspect documentaire. Il ne s'agit pas de savoir tout sur une question. Il s'agit de comprendre ce qu'à un moment donné, et dans le cadre du travail d'une institution, il a été dit et fait. D'où l'intérêt, par exemple, de conserver certains brouillons. Il ne s'agit pas de faire une synthèse. Il ne s'agit pas de répondre à une question. Il s'agit en même temps de conserver la mémoire de l'institution, parce qu'après, c'est la mémoire de la nation. C'est ce qui permet de comprendre, justement, même s'il y a des choses qui peuvent nous paraître erronées aujourd'hui. Il ne s'agit pas de porter un jugement non plus sur les documents que nous consultons. Il s'agit de en conserver le reflet le plus exact possible. Sinon, si on ne préservait pas les choses de cette manière-là, on ne pourrait pas non plus confronter les fonds entre eux. Et c'est ça qui est extrêmement important et intéressant. Il ne s'agit pas de faire quelque chose qui est unifié, mais il s'agit de conserver la vérité des documents tels qu'ils ont été constitués dans un endroit, dans un autre, et sur une question importante de pouvoir se rendre compte. Et là, ça, c'est le travail du chercheur, hein, ou c'est le travail aussi de l'administration qui a besoin de précédents. Il ne s'agit pas de non plus dans le travail de l'administration de repartir à zéro à chaque fois, mais au contraire, grâce aux strates qui se sont accumulées, que nous avons conservées, de pouvoir au contraire prendre de meilleures décisions. Il n'y a pas de vrac, quoi. C'est pas vrai. Le vrac, c'est rare, quoi. Mais parce que c'est un mot clé chez les archivistes, le mot vrac. hein, ce qui justifie justement beaucoup de reclassements, puisque à partir du moment où quelque chose est en vrac, on peut le classer soi-même. Hein. Donc les opérations de classement sont souvent des opérations en fait de réforme, de qui ne disent pas forcément son nom, leur nom, de réforme de l'organisation des choses, ou des hommes, bien entendu, dont une des fonctions précisément, et éventuellement, et c'est pas du tout par paranoïaque de dire ça, à terme de faire oublier qu'il y a eu une réforme. Et donc, il n'y a pas de brut, il n'y a pas d'archives brutes, en fait. Voilà. Parce que ne serait-ce que la personne même qui produit les documents les organise dans un ordre qui déjà a un sens. Donc organisation organique, et c'est ce vocabulaire corporel qui, à mon avis, au cœur de la difficulté de penser les archives dans le temps, justement, parce qu'elles sont censées justement survivre aux organismes dont elles sont la trace. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes aux Archives nationales, mais on est un réseau. On travaille avec les archives départementales. Et là, si j'évoque cette question, mais je pourrais penser à plein d'autres sujets. Je pense par exemple aux dommages de guerre. Et bien, c'est vrai que les dommages de guerre n'ont pas été conservés partout de la même manière. C'est vrai qu'on a beaucoup évolué dans la question de l'intérêt des dommages de guerre. Bon, aujourd'hui, on n'a plus le même regard. Mais l'histoire est faite aussi de ça, des regards successifs. Pour moi, travailler sur les archives, c'est aussi travailler sur le temps, parce qu'on travaille sur le passé, mais on est aujourd'hui, et on essaye de prévoir l'avenir. On essaye de savoir ce qu'il faut garder pour les siècles futurs. Alors là, c'est pas une confidence, mais je dis toujours qu'un jour, je pourrais pas m'empêcher de mettre un mot avec une enveloppe sur laquelle il y aura marqué à ouvrir en 2752 et... Je ne serai pas là pour savoir si quelqu'un le fait ce jour-là, mais je trouve que, bon, il y a comme ça des... il faut vraiment se projeter dans l'avenir quand on travaille sur les archives. Sinon, on n'arrivera pas à faire justement quand même des tris et des éliminations qui soient à peu près correctes. Les archives, ce sont, dans le présent, les... passé possible du futur. Je m'appelle Julie, je suis agent technique aux Archives nationales. Là, je me préparais à réintégrer des boîtes d'archives qui ont été consultées par des lecteurs et qui vont retrouver leurs étagères. Donc il y a de la réintégration, il y a du travail de saisie quand on est agent technique, on a tout plusieurs sortes de communication. Communication standard, donc là c'est ce que je fais. Communication par extrait quand les lecteurs veulent consulter seulement un dossier dans les boîtes. Et communication administrative, donc là c'est des communications qui sont demandées par des ministères en fait. Donc c'est encore une manipulation différente. Alors là je vais juste vérifier. Guilain Brunel, conservateur. Quand un service, que ce soit un service central de l'État ou un service départemental, un problème de locaux, doit déménager, là, d'un seul coup, ils retrouvent des archives qu'ils n'avaient pas voulu donner à un moment, qu'ils avaient oubliées. Mais la plupart du temps, ça ressort un jour ou l'autre. Et donc, vous avez des versements qui sont datés de 94, ou de 98 ou de 2005, avec des archives parfois anciennes qui peuvent remonter à la fin du 19e siècle, parce qu'elles étaient restées dans les archives d'un bureau, d'un service, et qu'elles remontent comme ça à la surface à ce moment-là. On a eu les archives d'Air France, avec des archives des compagnies qui ont été intégrées par Air France, et qui remontent avant la Seconde Guerre mondiale. Les carnets de vol, les carnets de... Donc oui, c'est à chaque fois la découverte. Et c'est aussi un des plaisirs de l'archiviste, c'est d'être un des premiers à voir arriver ces nouveaux documents en se disant, on va pouvoir faire traiter un problème de manière nouvelle grâce à ces archives. L'archiviste, c'est un peu un enquêteur, quoi. C'est Indiana Jones dans les archives. Moi, j'ai toujours dit, c'est un peu ça. Et on cherche comme ça des documents qui nous manquent, qu'on connaît pas, qui peuvent servir à renouveler les choses, à faire l'histoire de choses auxquelles on pensait pas. C'est ça qui est toujours motivant, qui permet d'échapper à la routine. C'est que les archives, c'est toujours quelque chose de différent. Donc c'est intéressant même, sur l'histoire de l'humain, voir comment l'homme fonctionne, qu'est-ce qui l'influence. Ça, c'est des problèmes éternels. Donc les archives servent à mesurer comme ça cette part d'éternité dans le fonctionnement humain comment on travaille, comment on aboutit à une décision, sur quoi on s'appuie, qu'est-ce qui est déterminant, et les archives permettent d'avancer sur ces questions-là. Il vous reste beaucoup de place encore ici sur le site de Pierre Fitte. Ben, il reste assez de place pour les années qui viennent, et puis on a déjà prévu donc d'équiper un bâtiment qui est existant, qui est là, mais qui n'avait pas été équipé. Donc voilà, pour les 30 prochaines années, peut-être que les archives nationales seront assez tranquilles. Et puis le bond en avant des archives nativement numériques pourra d'ici une dizaine d'années sans doute rééquilibrer les choses vers un support beaucoup moins volumineux. Puisqu'en fait, les archives électroniques tiennent dans une grosse armoire comme celle que nous avons derrière nous. Donc voilà, il va y avoir sans doute un basculement qui se fera. Et d'un seul coup, très vite, dans les 10 prochaines années. Donc là, nous, on l'anticipe énormément. C'est bon ? Alors maintenant, voilà, vous passez par le bas. Voilà, très bien. Et vous mettez le film dans la petite fonte. Après, vous tournez doucement manuellement. Je vois que ça tourne pas là-bas, donc ça n'a pas pris. En fait, non, le problème ne vient pas de là, mais il vient d'ici. Il faut que le film tienne, sinon ça va pas tourner. Alors, attendez, ne touchez pas à ça, attendez. Il y a un souci. Et on va remettre les choses à leur place. Comme j'avais expliqué tout à l'heure, le film vers le bas. Ok, ça c'est important. Ensuite, la bobine, on va l'enclencher, on la met au fond, ça vous savez le faire, je sais. Le petit bouton rouge. Je suis Thomas Vandeval, je suis directeur du projet Adamante aux Archives Nationales. J'ai une formation de conservateur du patrimoine, mais ce projet m'amène à traiter d'autres sujets en lien avec l'informatique. L'existence des archives nativement électroniques est ancienne. On travaille sur le sujet depuis le début des années 80 aux Archives nationales. Et nos organisations internes, nos modes de travail, nos processus doivent en partie s'adapter au passage d'un monde complètement papier, écrit, physique, disons, à un monde qui, au moins pour le moment, est hybride et qui devient de plus en plus électronique. Très bien. Ensuite, on va passer sous la fenêtre. Jusque-là, je mets mon film, je le coince bien dans la fonte. Je tourne manuellement en mettant de mes doigts. Voilà. Ce patrimoine numérique est fragile. Il est fragile parce que il faut s'appuyer de toute façon sur une machine pour y accéder. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas garantir une information numérique au-delà de 5 ans, dans l'absolu. Si on laisse de l'information numérique vivre sa vie seule, sans intervenir du tout sur elle, au-delà de 5 ans, elle est en péril. Mais ce qui est en partie compliqué, parce que on est complètement dépendant des évolutions technologiques et d'une logique de renouvellement technologique d'accès à l'information qu'on a, je crois, jamais connue dans l'histoire. Et je suis à peu près certain que dans 15 à 20 ans, on manipulera l'information selon des modalités encore différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, on va aller visiter la salle machine, les serveurs où sont stockées les fameuses archives du web. Normalement, on ne doit jamais venir là. On ne vient là que quand il y a des interventions manuelles. Tout ce qui est là est piloté de là-haut. Donc moi, je suis Adoté Chilo, j'ai en charge le service support et production qui gère cette salle et tout ce qui est production informatique de la BNF. Et j'ai un autre rôle qui est responsable de la sécurité informatique de la BNF. Il y a du bruit, hein. Donc les machines rouges que vous voyez là, c'est les collections historiques qui venaient d'Internet Archive. Les premières collections d'archives web qu'on a reçues, on ne les a pas collectées nous-mêmes, mais on a travaillé avec Internet Archive au départ. Et en fait, donc, c'était eux qui faisaient les collectes et ils nous les ont envoyées sur ces machines rouges qu'on appelait les Petabox. Et il y a quelques années, ces machines n'étant pas pérennes dans le temps, on a déménagé les collections dans notre système de préservation numérique et on les a éteintes. Donc elles sont là pour témoigner de cette période-là, mais elles ne fonctionnent plus. Elles sont arrêtées. Donc juste en face des Petabox rouges, les grandes armoires noires que vous voyez là, c'est notre système de préservation numérique, SPAR, qui conserve pas seulement les archives du web, mais l'ensemble des collections numériques de la BNF, cette fois non pas sur des disques durs, mais sur des bandes magnétiques. Parce que la bande magnétique est un système de stockage qui est plus fiable que le disque dur. Le disque dur, de même que vous, votre ordinateur, si vous n'avez pas une sauvegarde de vos données, il faut que vous sachiez que votre disque dur, du jour au lendemain, il peut vous lâcher. Une bande magnétique, a priori, elle ne vous lâchera pas. Elle a une durée de vie d'à peu près 5 à 8 ans. Donc on sait que pendant 5 à 8 ans, les collections sont en sécurité sur ces bandes. Ensuite, on renouvelle les bandes. En fait, c'est le même principe qu'un magasin. Un magasin, il y a des étagères avec des boîtes, les documents dedans. Si vous regardez dedans, il y a des étagères pareilles avec des boîtes. En fait, c'est des alvéoles pour les bandes magnétiques. Donc dans le magasin, c'est le magasinier qui va chercher le document pour le porter, pour tout ce qu'on veut faire avec. Dans le magasin numérique, comme on l'appelle, c'est les bras du robot qui vont chercher la bande, vont le porter au lecteur pour récupérer les données. Donc l'analogie, elle reste là. Volontairement, je ne retiens pas où elle se trouve. Comme ça, même sous la peinture. Voilà, même sous la peinture, je ne peux pas y emmener quelqu'un. Voilà. Donc, moi, je suis Emmanuelle Bermès. Je suis adjointe scientifique et technique auprès du directeur des services et des réseaux. Donc la direction des services et des réseaux, c'est une des grandes directions de la BNF dans laquelle on gère tout ce qui est technique des bibliothèques. Donc ces techniques des bibliothèques, ça va de l'informatique documentaire jusqu'à la conservation, aussi bien la conservation des ouvrages papier que du numérique, et puis le dépôt légal. L'objectif du dépôt légal, qui remonte quand même à François Ier, au XVIe siècle, c'était de garder une trace de tout ce qui est publié en France. Et puis petit à petit, avec le temps, quand de nouveaux médias sont apparus, comme l'audiovisuel par exemple, tout ce qui est cassette, puis CD, jeux vidéo, le dépôt légal s'est adapté pour accueillir ces nouveaux types de documents. Et donc, il y a quelques années, on s'est dit que si on prenait en compte l'ensemble des publications en France, on ne pouvait pas passer à côté du web. Bienvenue dans le monde d'Internet. En pénétrant dans cette banque mondiale de données, vous rejoignez les 30 millions de branchés, au sens propre, qui naviguent jour et nuit sur ce réseau informatique planétaire. Internet a été créé dans les années 60 par les militaires américains. Puis les universitaires se sont connectés. Un réseau informatique reliant des ordinateurs dans le monde entier s'est alors développé. Pour y avoir accès, il suffit de disposer d'un micro-ordinateur et de souscrire un abonnement, environ 250 francs par mois. Vous pouvez alors communiquer avec la planète. Exemple, avec Bill Clinton, le président américain reçoit tous vos messages et la Maison Blanche y répond. Au-delà de cette messagerie universelle, on trouve tout sur Internet. Quasiment tout ce que les hommes ont écrit ou photographié au cours des 50 dernières années, y compris un bon nombre de reproductions de choses plus anciennes, y compris des informations touristiques, des informations de jeux, l'art et la manière de commander une pizza, la filmographie de Burt Lancaster, le plan du shopping à Singapour, quasiment tout. Quelle que soit son évolution, Internet aura révolutionné l'accès au savoir. Donc cette prise de conscience a été... dès le milieu des années 90, Bruce Turkle, aux États-Unis, a été un des premiers à se poser la question de la mémoire du web, en fait. Il s'est dit, mais en fait, il est en train de se passer quelque chose d'important Et il faut qu'on garde une mémoire de ça. Donc eux, Internet Archive, ils ont commencé à archiver depuis 1996. C'est grâce à eux qu'on a des collègues qui datent d'avant 2000. Alors, en théorie, on doit conserver le web français, ce qui est une tâche à la fois difficile parce que le web n'est pas national. Comme vous le savez, il est international, il n'a pas de frontières, le web. Et puis, c'est assez difficile de délimiter ce que c'est que le web français. Par ailleurs, le dépôt légal avait vocation à être exhaustif, c'est-à-dire qu'on essaye de conserver tout, ce qui paraît. Et évidemment, sur le web, c'est pareil. Vouloir conserver absolument tout, c'est très difficile. Donc, on procède par échantillonnage. C'est nous qui envoyons des machines, des robots, collecter, faire une copie en fait de ce qui est publié sur Internet, copie qu'on va stocker, garder dans nos machines et communiquer à nos lecteurs. On n'est pas dans une sélection de sites qui sont particulièrement intéressants pour leur contenu scientifique ou documentaire, mais sur des sites qui reflètent la réalité de ce qu'est Internet aujourd'hui, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir sélectionner des choses diverses et variées qui reflètent la diversité du web. Et un exemple de ça, c'est par exemple les blogs. Si vous vous intéressez au web du milieu des années 2000, il y avait un phénomène de skyblog avec plein d'adolescents qui créaient des tonnes de skyblogs. Donc ça, c'est typiquement le type de contenu qui, d'un point de vue scientifique et documentaire, n'a pas une valeur extraordinaire, mais qui reflète quelque chose qui a vraiment été un phénomène de société. Je pense qu'on peut dire ça à un moment donné. Et donc, c'est important de pouvoir sélectionner des sites qui reflètent aussi ça, et pas seulement pour leur intérêt. Il y a quand même toute une histoire du web qui, si elle n'est pas mise en mémoire, disparaîtra. Ce serait plutôt aujourd'hui un état de la société, mais qui, si ce n'est pas conservé, ben cet état sera perdu. On a compté les disparitions pour vous. Oui, les disparitions que vous avez, c'était quand même assez impressionnant. C'était... Donc entre 2015 et 2016... entre les deux collectes larges, il y a 651 189 domaines qui ont disparu. Donc 1784 par jour, ça faisait à peu près, j'ai fait une moyenne. Par contre, en effet, il y en a 1 million de nouveaux qui ont apparu. Alors, quelle est leur durée de vie enfin, en tout cas, qu'on a collecté, ce qui veut dire que peut-être il y en a certains qui sont passés à travers les mailles. On peut parler d'un réseau pour lequel on n'a pas fait ce travail et qui a disparu, c'est le Minitel. Le Minitel, c'est un réseau qui n'existe plus, qui demandait des machines particulières pour y accéder. Aujourd'hui, si vous vous intéressez à la mémoire du Minitel, vous pourrez la connaître à travers un certain nombre de choses. On a le site minitel.fr, par exemple, qui est un des sites qu'on aime bien montrer. Mais par contre, on n'a pas gardé de traces des contenus qui étaient sur le Minitel. Et voilà, c'est un pan de choses qui étaient là, qui étaient accessibles, qu'on pouvait consulter, qu'on avait l'impression qu'elles seraient toujours là. Et puis en fait, pas non. Vous serez bientôt 2 millions à dialoguer avec un Minitel. Allez-y, nous au PTT, on est sûr. Moi, je suis Pascal Tanesi, donc je suis adjoint à la chef de service du dépôt légal numérique. C'est un travail qui occupe non seulement ce petit service dans lequel du dépôt légal numérique, puisque c'est un service de 7 personnes, mais qui en même temps entraîne un certain nombre de correspondants de la BNF qui vont participer à la sélection de ces sites. Il y a plusieurs sortes de collectes, donc une collecte large qui va collecter l'ensemble du domaine français, mais avec une profondeur qui est de 1 ou 2 clics maximum. Donc ce qui veut dire qu'on ne va pas aller vraiment chercher les pages qui sont les plus difficiles à atteindre. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des collectes ciblées, qui peuvent être la philosophie, l'histoire, les Jeux Olympiques, les élections. Là, on va déterminer des sites. Là, c'est les correspondants dans les départements de la BNF qui vont nous donner ces informations-là. On va déterminer des sites qui sont intéressants par rapport à ces sujets, donc qui vont pouvoir définir jusqu'à combien de clics on peut descendre pour collecter les pages. Ils font une veille, en fait. Ils font un travail de veille. Oui. C'est-à-dire qu'ils regardent ce qui se passe sur Internet dans leur domaine Et ils font en sorte de travailler d'une part sur la continuité des collections, c'est-à-dire des choses qui pouvaient rentrer dans les collections par dépôt légal sous d'autres formes. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Par exemple, quand vous allez prendre le métro et que vous prenez le petit dépliant avec le plan du métro, ça c'est un document qui est publié, qui est diffusé à un public, donc qui va rentrer au dépôt légal et qui va aller au département des cartes et plans. Donc la personne qui est chargée de collection au département des cartes et plans et qui réfléchit au dépôt légal de l'Internet, elle va avoir le souci d'aller aussi collecter le site de la RATP, qui est la continuité documentaire de cette chose-là. Il y a un thème qui revient régulièrement depuis 2002, donc, qui sont les élections. Il y a eu une collecte qui a été organisée sur les élections présidentielles l'année dernière, donc 2017. Qui a consisté à collecter l'ensemble des sites des candidats, mais aussi les sites des partis, les sites des soutiens qu'il pouvait y avoir à ces candidats. Donc la sélection a été faite par le service droit économie politique qui savait quel site collecter. Et puis il y a aussi des collectes d'urgence qui sont liées, alors souvent malheureusement, à des événements dramatiques. Donc par exemple, dans le cas des attentats parisiens, il y a eu des collectes de sites ou de tweets. Tout simplement, quand il se produit un événement marquant, surtout comme les attentats qui ont eu lieu en 2015, donc il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et puis après ceux de fin d'année, c'est des attentats qui ont eu une particulièrement de résonance sur Internet. Donc dans ces cas-là, on essaye de lancer aussi rapidement que possible une collecte qui permet de documenter, en fait, de garder une mémoire de ce qui s'est passé sur Internet autour de ces événements. En 2016, l'ensemble de la collecte a représenté 125 téraoctets de données. Et depuis qu'on a commencé à collecter les données, on en est à 29 milliards de fichiers et 793 téraoctets de données. À un moment donné, on se donne une volumétrie qu'on collecte chaque année, qui est d'après à peu près 120 téraoctets, c'est ça ? Donc chaque année, on collecte à peu près 120 téraoctets. Et si vous voulez, on collecte tout ce qu'on peut, puis à un moment donné, quand on n'a plus de place, on arrête, puisque le web, il est potentiellement infini, donc on pourrait continuer à collecter. Donc la limite, c'est aussi tout simplement une limite de volumétrie qu'on se fixe arbitrairement parce que on pourrait collecter sans frontières et sans arrêt. Il avait peur. Il pensait se trouver en face du savant fou, du docteur Frankenstein. Il vit un homme sans passion, qui lui expliqua posément que la race humaine était maintenant condamnée, que l'espace lui était fermé, que la seule liaison possible avec les moyens de survie passait par le temps. Un trou dans le temps. Et peut-être y ferait-on passer des vivres, des médicaments, des sources d'énergie. Tel était le but des expériences, projeter dans le temps des émissaires, appeler le passé et l'avenir au secours du présent. On pourrait tout garder, mais pour ça, d'abord, il faudrait reproduire la réalité à l'échelle 1 sur 1. Yann Potin. Ou presque. Si on voulait garder tous les papiers qui sont produits par quelqu'un, le volume que prendraient ces papiers prend beaucoup plus de place que son corps. Et en même temps, il y a la tentation non pas de tout garder, mais de savoir ce qu'il faut garder. Avec, et c'est cette phrase, je pense, que tout le monde se dit inconsciemment, et qui est une phrase de Picasso absolument magnifique à propos de ses propres archives, on n'est que ce que l'on garde. Ce que je viens de dire sur... On n'est que ce que l'on garde peut s'inverser par l'oubli est toujours plus fort que la mémoire. Et que, en fait, fondamentalement, mais ça c'est une hypothèse un peu iconoclaste mais qui est la mienne, les archives servent à produire de l'oubli. Parce que sinon, ce serait trop écrasant, c'est pas comme une pièce qui nous étoufferait ou des caves qui remonteraient jusqu'à la surface du grenier, comme un flot de... comme un égout de la mémoire. C'est qu'effectivement... Une fonction des archives, mais je dirais que c'est une des grandes fonctions peut-être de la mémoire collective de l'humanité, c'est de devoir absolument oublier. C'était La vie mise en carton. Merci à Guylain Brunel, Yann Potin, Roselyne Salmon, Karine Trioler, Julie, Emmanuel Bermès, Pascal Tanesi, Thomas Vandeval et Adoté Chilo.